Et toi, tu as quel âge? 14 ans. Qu'est-ce que tu aimes regarder à la télé? Moi, le foot. Ouais, surtout le foot. Et les publicités, tu les regardes? Ouais, j'aime bien. C'est quoi tes pubs préférées? Celle où il y a des sportifs, comme celle avec Zizou, quoi. Si tu étais un footballeur célèbre, tu accepterais de participer à une pub? Bah ouais, tout de suite. Tout le monde te connaît et te voit tous les jours. Et tu sais pourquoi ils mettent des joueurs dans les pubs? Ben, pour les rendre plus célèbres, pour qu'ils gagnent plus d'argent. Tu penses pas que c'est pour t'influencer? Quoi? Quand il y a un joueur de foot dans une pub, tu as envie des céréales qu'il présente ou des yaourts qu'il propose? Ouais, bien sûr. Et alors? Et alors, ça marche! Du coup, tu veux les yaourts de la marque qu'il présente ou les céréales? Et ta mère, elle te les achète? Ouais. Si je lui dis de prendre ses yaourts, elle les prend. Et si elle les achète pas? Elle les achète parce que je lui demande. Ah bon, elle t'obéit. Ben elle me demande de bien travailler à l'école, et je le fais. Alors...